comme s'il n'y avait jamais prospéré. En vérité, les Thamouds n'ont pas cru en leur Seigneur. Que périssent les Thamouds !